Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr. La moitié des rounds d'Infinite Wars 2016 ont eu lieu et le 10e Docteur, Deadpool, Chip et Gertrude sont déjà qualifiés pour la finale, une finale déjà improbable. On va voir ce qui va se passer cette semaine et qui va les rejoindre. Je suis Mathieu et la round 5 d'Infinite Wars 2016, c'est maintenant. Et avec moi, toujours les trois mêmes guerriers que d'habitude. Arnaud. Salut. Clément. Salut. Et Léo. Yo. Aldrich a, on le rappelle, Léo. Abandonné. Faut le rappeler, hein, ça fait du bien de se le dire. C'est toujours un concurrent de moins. La semaine dernière, on a eu droit à un round 4 complètement improbable qui s'est éternisé et qui a vu la victoire de la barbare Gertrude qui a dézingué tout le monde. On va voir cette semaine qui va lui succéder et rejoindre tout ce petit monde en finale. Au programme des combattants de la semaine, Léo a deux personnages. Le premier, c'est Firestorm, ouais, qui commencera le jeu avec 15 points. Et le deuxième, c'est Harley Quinn, qui commencera, elle, avec 13 points. De mon côté, j'ai deux personnages. Le premier, c'est Scrooge McDuck, Picsou, tout simplement, qui commence donc avec 5 points. Je pense que celui-ci va être la victime de tout le monde. Mon deuxième personnage est Jean Grey, le phénix, avec 18 points. Arnaud a également deux personnages, Power Girl 17 points et Dick Grayson 13 points. Et Clément, lui, va être, à mon avis, la victime de l'émission, comme la semaine dernière, tout avec Twilight Sparkle, oui, le petit poney, qui commencera la partie avec 10 points. Quand même. Twilight, si alors attendez, attention, parce qu'il y a quand même la prime aux animaux. S'il gagne, il y aura une gamine de 7 ans, un écureuil et un poney, enfin, je veux dire, enfin. et un poney à Ah, voilà. Donc du coup, voilà, il y a quand même la prime aux animaux. Rappelez-vous, l'abat de co l'année dernière, l'écureuil Chip est déjà passé en finale il y a deux semaines. Donc si tout va bien, c'est Picsou ou Twilight Sparkle. Ouais, si tout va bien, ouais, tu peux toujours espérer, va. Allez, on va commencer comme d'habitude avec le premier personnage de la liste, c'est Firestorm. On rappelle, un tour de jeu se joue en deux phases. On lance un dé qui nous permet soit d'attaquer, soit de soigner, et en même temps qu'on lance ce premier dé, un deuxième dé est lancé qui va déterminer un événement qui peut avoir de très lourdes conséquences. Vous l'avez découvert dans les 5 premiers rounds déjà. Firestorm, à toi l'honneur. Allez, on va commencer. Bah écoute, j'ai faim, donc je vais faire du canard grillé. Et je vais attaquer. Donc attends, ce qui serait drôle, c'est que Picsou n'ait même pas l'occasion de jouer dans cette partie. 3. Ah putain. Non, moins 3, c'est pas pour Firestorm, c'est pour Picsou, excusez-moi. Ouais, l'événement est le 62. Un point de plus pour Firestorm. Donc la partie commence plutôt bien pour Firestorm. Picsou va jouer, donc bah, que faire Picsou là, je vous avoue que je ne sais pas trop, donc par anticipation, puisque c'est elle qui va le tuer, il va attaquer Power Girl. Et bah, décidément Picsou est un gros châteux puisqu'il fait 0. Événement numéro 5. Personnage achetable par les 3 prochains joueurs. Picsou ne mourra donc pas maintenant. Pas maintenant. Ça commence comme ça et vous savez comment ça termine. Hein. Power Girl, c'est à toi. Bah, elle peut pas attaquer Picsou, donc elle va attaquer l'autre plus faible, Twilight Sparkle. Pute. 3. Oh. Événement 59. 59, 2 points de plus. Twilight Sparkle, c'est à toi. Je vais attaquer Dick Grayson. Ta gueule. Ah, écoute. Et en tout cas, c'est flamboyant parce qu'il aurait pu se soigner pour essayer de survivre, mais non. Il va à l'attaque, il attaque Dick Grayson et c'est récompensé. 6 points. Putain, 6 points ? Ouais, il a fait 6. Ah, ça fait cher la ruade, hein, putain. Un bon coup de sabot dans les boules. Événement 92. Un mec qui s'appelle Dick en plus. Ta répartie coûte 2 points au perso de ton choix. Tu peux tuer Picsou. Je tue Picsou. Non, salope. Non, c'est impossible. Mais t'as... pourquoi tu lui as dit, Mathieu? Parce que ça me fait... Non, parce que franchement, ça me fait tellement kiffer. Twilight Sparkle. Mathieu, mais merde. Twilight Sparkle, niveau 2, et qui passe du coup mais à... Quoi? Mais un peu de constance. À 20 points, c'est donc Twilight Sparkle qui, à ce moment-là de la partie, est en tête. En finale, et tu privilégies un poney, mais t'es con, mais qu'est-ce que... Harley Quinn, sur qui va s'abattre ton marteau? Enfin, ta massue, plutôt. Nom d'un chien. Ta masse, putain. Je ne sais pas comment on dit. Je sais pas et je m'en fous. Ton manche. Ah bon, dis donc. Je vais attaquer Twilight Sparkle parce que ça m'énerve. Et Twilight Sparkle, attention. Et béni des dieux, un point. Ça doit être les paillettes. Ouais, événement 32. Événement 32, un point de moins. Mais bah tiens, bim. Un point de moins pour Harley Quinn. Et c'est à Jean Grey d'attaquer, c'est-à-dire moi. Dick Grayson. Mais putain! Pourquoi? Parce que je n'accepte pas quelqu'un d'autre que moi et ce personnage. Ah bah, ça... Oh, zéro! Oh et événement 37. Les personnages indés perdent 2 points. Alors, qui est indé? Je n'en ai pas. Tout Twilight Sparkle. Tiens, un poney de mes deux. Et... Ah bah non, il a perdu mes pixels. Bah, Dick. Bah, il va se soigner. Zéro. Oh, putain. Événement 11. Schumacher, la pince à téton te fait perdre 2 points. Dick Grayson n'a plus que 5 points et je pense que Firestorm va se faire un plaisir. Non, il va attaquer Twilight Sparkle encore. Il est pas content. Franchement, je sais pas. Allez. Soyez gentil avec moi, j'ai aucun personnage en finale. Corruption. Corruption, ouais. Corruption. Parlez, toi. Twilight Sparkle qui vient de prendre niveau 2 grâce à Picsou. Le mindfuck. Putain, mais il y a... Rappelez-vous, non, bah, retenez cette phrase. C'est Twilight Sparkle qui vient de passer au niveau 2 grâce à Picsou. Je pensais et pas penser ça un jour. C'est la première à passer en plus. Je pensais pas dire ça un jour dans ma vie, bah je l'ai dit. Allez, Firestorm, il faut décider. Ah, mais le choix est dur. Comme ma bite. Non, putain. Mais putain, ta gueule, le poney. Vas-y, je vais attaquer Twilight Sparkle. Attention. 1. Ah bah, bon, ça n'aurait pas tué Dick Grayson, donc du coup, tu... Voilà. C'est donc événement 70 qui va frapper. Pareil, Comics Expo, tu gagnes 2 points. Power Girl va-t-elle tuer Dick Grayson par stratégie? Malheureusement, oui. Oui, ok, d'accord. Vous êtes obligé. Power Girl a tué Dick Grayson. Je vois un truc arriver, là. 2. Putain, c'est Twilight Sparkle qui va tuer Dick Grayson. Non, mais putain, mais Arnaud, j'espère. Monte au niveau 3, mais c'est pas possible, là. Événement 62. Non, Sam. Ah non, c'est mon truc. Un point de plus. Un point de plus pour qui? Power Girl. Twilight. Bah, je vais attaquer Dick Grayson. Qui n'a donc plus que 3 points. Et donc, on va se trouver sans doute avec un Twilight à niveau 3. Les mecs. Ça t'apprendra, mec. 4. Non ! Mais putain ! Tout est de la faute. Grayson vient de mourir. Tu as la mort de Dick Grayson sur ta conscience, Mathieu. R.I.P. Dick. Twilight passe au niveau 3. C'est 30 points pour un poney, quoi. Là, ça sent le round expéditif. Et je vois bien une Twilight se qualifier en finale avec un niveau 6. Et ça sera ta faute. Et ça me fait plaisir. Événement 87. 9 side. C'est trop bon. Harley Quinn, c'est à toi. C'est n'importe quoi ce jeu. N'importe quoi ce jeu. C'est quoi le 87 9 side. Harley Quinn, à toi. Même Harley Quinn est dégoûtée. Bah, à moins de tous se mettre contre Twilight. Hein. Bah, il faudrait, ouais. Ouais, on fait ça. N'oubliez pas que je peux être généreux. Ouais, on te connaît si bien. Ah là là là là, ça me trou le cul. Attends, c'est quoi, c'est Harley Quinn? Ouais. Je vais attaquer... Non, vas-y, je suis vraiment dégoûté de ce poney, là. J'ai vraiment entendu. Allez, j'attaque le poney. Allez, moins 4. 4 ouais, Événement 94. Oh putain. Gel. Prochain tour. Intouchable au prochain tour. Donc Harley Quinn ne pourra pas être frappé au prochain tour. C'est à Jean Grey de jouer. Intouchable jusqu'à son prochain tour. Pardon. Oui. Donc personne ne peut toucher Harley Quinn jusqu'à ce qu'elle rejoue. Ouais. C'est à Jean Grey de jouer. Vous savez, Jean Grey aime les poneys. Mais elle ne va pas l'attaquer. Enfin, moi j'aime les poneys. Donc j'attaquerai jamais un poney. Impossible. Mathieu. Je vais donc attaquer Power Girl. Surprise. 1. Je digère ce que je viens de lire. Oh non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. R.I.P. Jean Grey, 99. Oui, oui. Oh 99, c'est ça. 99, événement 99, bang, dead. un coup du Joker probablement. Voilà. C'est n'importe quoi. Voilà. Là, j'ai envie de pleurer. C'était mon personnage le plus puissant de toute l'Infinite Wars. Ah non, il te reste. T'es mort, Mathieu. T'as plus de personnages. Oui, non, mais il me reste plus dans ce round. Ouais, j'ai fini. Ça y est, j'ai perdu. Round est fini, bordel. J'ai perdu. J'ai même pas fait une attaque. Enfin, c'est une catastrophe. Voilà. Bon. Alors, on va continuer, hein, sans transition. L'humiliation. Firestorm. J'ai envie de pleurer. Ah. Il y avait une chance sur 100, bordel. Bah, il y avait une chance sur 100 pour le reboot. Il est tombé deux fois depuis le début. C'est vrai. Tu sais, voilà quoi. Bon, alors écoute, moi, je vais continuer ma vendetta contre le poney. Donc, allez, c'est parti. Vendetta contre le poney qui est efficace. Moins 5. Aïe. Alors, le poney, on le rappelle, est au niveau 3, donc il peut faire beaucoup de dégâts enfin, en un coup. Hein. Donc, événement 3. Je vais les faire vu que j'ai plus personne. Le prochain personnage passe son tour et le prochain personnage c'est Power Girl. Oh putain, vous faites chier! Twilight Sparkle, c'est à toi. Je peux attaquer Harley Quinn ou pas? Tu peux attaquer. Non! Non, elle est intouchable jusqu'à ce qu'elle ait rejoué. Non. Je ne touche pas à Harley. Tu peux attaquer Firestorm ou Power Girl ou te soigner. Je peux aller jusqu'à combien là? Niveau 3, 15. De 0 à 15. Je vais me soigner. Ok. 12! Putain. Oh putain, la salope. Événement 26, c'est-à-dire les personnages d'ici gagnent 2 points. Donc ah, Harley Quinn. C'est bien pour Harley. Et Firestorm, du coup. Et Power Girl. Hein. Et Power Girl, du coup. Faites tout le monde, sauf toi et la Sparkle. Tiens, Pony. Harley, c'est à toi. Donc à partir de maintenant, tu es touchable. Harley. Tu pousses, c'est l'émission des gémissements, là, Léo, pour toi. Hein. ouais, non, mais ils resteront tous au montage. Oui, bah écoute. Une place après. Hein. Une petite place après. L'écureuil a gagné donc. Et un poney niveau 3 alors. Je continue dans ma logique ou pas Parce que si j'avais pensé une seconde à ce que je disais au début de l'émission quand je disais la prime aux animaux. Ça t'apprendra, va, tu l'auras voulu en plus, tu lui as dit de l'attaquer. Ça. Et en plus, c'est toi qui as choisi les personnages pour Clément. Clément, ouais. C'est vrai, c'est moi qui ai choisi les personnages. Je suis un peu responsable. Ouais, je suis un peu responsable de cette débâcle. Mais c'est pas fini. Donc bon, je suis Harley. Je sentais qu'il allait aller vite ce round 5, je sais pas pourquoi. Je vais taper Power Girl. Mais okay. Tu fais chier. Ouais, bon, il faut bien, il faut. Le problème, c'est qu'il faut. Soyez gentil, vous avez tous un personnage en finale et pas moi. Rien à foutre, t'as gagné les derniers. C'est vrai. Tu as gagné en 2015. tu as fait, ça y est? Oui. Bah, ça va aller le coup zéro. là. Événement 98. 9 save, il ne se passe rien. Celui-là, je m'en souvenais. C'est pas passé loin de la correctionnelle, là, encore. Je sens que le 99, il va retomber. Firestorm. Ah, mais oui, c'est encore à moi. Bah, écoute, pas de jaloux, hein, Twilight Sparkle, tu vois. Hein, on va faire de la viande de cheval. Donc, pas de jaloux, 0-0. Non, 2. Donc, on a un peu écorné la corne de Twilight Sparkle, et c'est à Power. Ah non, événement 24, relaunch, le personnage repart au score qu'il avait au début du round, c'est-à-dire Firestorm. repart à 15, c'est con, il était à 20. Ça va, ça pourrait être pire, j'aurais pu être à. Power Girl, c'est à toi. T'aurais pu mourir, hein, comme Jean Grey. C'est ça. Je vais me soigner. 1. Oh putain. Non, parce que j'étais en blocage, parce que j'ai vu le 1 apparaître, je me suis dit putain, non, événement 1. En même temps, un mort par événement. Événement 63. Vrai, le personnage prochain passe son tour. Twilight Sparkle passe donc son tour. Mère. Harley Quinn. Yes. Attaque le poney. Ouais, bah écoute, on va attaquer. Du steak de cheval. Je vis. Ah non, c'est. J'ai plus comment. Je vis quand même. Léo va donc frotter la corne de Twilight Sparkle. Il va en sortir 0. Oh. Elle a le cul bordé de nouilles, la ponette. Événement 25 et Civil War. Pendant un tour complet, les héros n'attaquent que les héros et les vilains. On s'en fout, il n'y a que des héros encore aujourd'hui. C'est à Firestorm. Harley Quinn. Bah, de toute façon, elle peut pas attaquer qui. Oui, il n'y a pas d'autres vilains, de toute façon. Bon, et bah écoute. Poney. On va continuer à attaquer, de toute façon. Voilà, toi. Tu attaques qui, le poney? Poney, ouais. 4. Ah, bah quand même. Twilight Sparkle, moins 4, 27 points toujours pour Twilight Sparkle, 24 pour Power Girl, 15 pour Firestorm et 14 pour Harley Quinn. L'événement déclenché par Léo et le 74 gèle personnage intouchable par les 3 prochains joueurs. Yes, c'était qui Harley Quinn? C'était pas Firestorm. Donc ah, c'est-à-dire jusqu'à ce que Firestorm rejoue, tout simplement, il est intouchable, puisqu'il y a 3 joueurs à jouer avant lui, et on y va avec Twilight, Power Girl, excusez-moi. Et Power Girl a bien envie de bouffer du cheval, elle aussi. Ouais, elle va l'attaquer. 4, ça commence à faire un peu mal. Événement A, événement 50. Level up! Oh, oui! Oh la raclure! Level up pour Power Girl qui passe donc à 34 points de vie et au niveau 2. Et là, ça rebat un peu les cartes. Ouais, ça peut faire du bien ça. Twilight Sparkle, c'est à toi. Je vais attaquer Harley Quinn. Mais laisse Harley! Et bah écoute, vas-y, tu peux la tuer du marteau, tu sais. Tu peux la tuer en un coup, tu fais faire 14 ou 15. Et c'est dommage, tu ne fais que 8. Comment ça? Moins 8, 6 points donc pour Harley Quinn. Événement numéro 14. Exterminate, lance un dé et frappe 3 personnages. Quoi? Bah, sale pute. Harley Quinn. Harley Quinn, sale avec ton premier dé. Sale pute. Moins 5. Oh putain. Sale pute. Sale. Deuxième dé. Harley Quinn. Pute. Mais non, tu dois taper 3 personnages. Il n'a pas le droit de taper. Oui, 3 personnages différents, oui, effectivement. Ah, oui, c'est pas drôle. Non mais, Non, mais écoutez, je vois pas, mais je te fais un doigt d'honneur, là. Je peux taper Firestorm? Bah, 3 personnages différents, il n'y en a que 3. Oui, mais il n'a pas le droit. Il est intouchable, Firestorm. Ouais. Bon, bah, je vais taper Power Girl, alors. Et après, tu devras donc te taper. Moins 2. Et tu tapes donc Twilight Sparkle. Non. Tu vas t'auto-corner. Moins 1. Non, mais pourquoi il a cette chance de merde? Là, je... Eh ben écoute, Harley Quinn, c'est à toi. Je pense qu'il y a urgence, là. Ouais, mais bon... Elle va appeler Dr. Carter. On va appeler ou pas, il y a un truc à jouer. Comment ça, il y a un truc à jouer? Il n'y a rien de... Je vais tenter de me soigner, tant pis. Hein. D'accord. Je suis désolé. Zéro. Oui. Génial. Firestorm. Firestorm, c'est l'événement. Ah, événement 15, excusez-moi. Iron Fist, fist un personnage et arrache-lui un point. Tiens, prends ça le poney. Sors tes gants de vétérinaire. Comme donc, dans les... De doubler ton score, 2 points pour Harley Quinn. Firestorm, c'est à toi cette fois. Alors, Firestorm... Poney, poney, poney. Bah écoute, de toute façon, on va attaquer le poney. 2. Déjà ça. Et tu viens de faire, à mon avis, l'erreur stratégique qui va te coûter le bâton final, puisque tu aurais pu tuer Harley Quinn. Ah putain, mais oui, quel con! Donc là, c'est l'erreur, à mon avis, qui va te coûter la place en finale. Merde. Événement 4... Ah, c'est pour ça que je te disais, il y a un coup à jouer tout à l'heure. Événement 87, 9 side, il ne se passe rien, et c'est donc sans doute Power Girl qui va en finir avec, Harley Quinn. Désolé. Attends, c'est pas dit, tu peux faire encore 0. Là, hein. Tu fais 0. Oui. Tu peux faire 0 ou 1. Hein. Enfin, faut pas que je le dise parce que tout ce que je dis depuis tout à l'heure, putain, 1. Mais ta gueule! Oh putain de merde. Putain. C'est un scénario catastrophe auquel on assiste aujourd'hui. Événement 18. Sidekick. Choisis un allié qui te soigne à sa prochaine attaque. Ça, c'est pas mal. Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Non, mais nique sa mère. Donc Twilight Sparkle, à ta prochaine attaque, en plus d'attaquer, tu soigneras donc Power Girl. D'accord. Bah, je vais attaquer Firestorm. Pardon ? Attends. Non, bah, c'est trop tard, c'est trop tard. Non, mais attends, je suis Firestorm. Quoi ? Il attaque Firestorm alors qu'il aurait pu tuer Harley Quinn. Écoute. Mais non, mais faut que je le soigne. Firestorm, ta gueule. Non, mais non, attaque Firestorm et tu soignes Power Girl. En même temps. Peu importe ce que tu fais, t'es obligé de me soigner. En même temps que tu attaques, tu vas... Ah, j'avais pas compris. Donc tu attaques. Va, attends, donc lance ton dé. Et là, tu viens de faire une grosse erreur aussi. Là, c'est la soirée non, des erreurs. Pas compris. Ta gueule. Ah, mais tant pis. Lance ton dé. Nique, mais putain. C'est ta faute. Bon, 4. De toute façon, tu vas pouvoir laisser Firestorm tranquille. Tu soignes donc Power Girl de 4 par la même occasion. Donc Léo, à mon avis, va pas faire deux fois la même erreur, à moins que l'événement 54 ne dise autre chose. 9 side, il ne se passe rien. Yes. Harley Quinn, c'est à toi. À Léo, tu as une chatte monumentale. Ah non, mais si ça met, enfin, ce genre de truc, là, c'est bon. On sent que Clément n'a pas bu que de l'eau dans ces dernières minutes. Alors, Harley. Du coup, Harley Quinn, vu qu'elle sert à rien, elle va soigner Firestorm. D'accord. ce qui ne sert à rien non plus. Ah, c'est-à-dire que voilà. Bah non, parce qu'il va monter d'un niveau et donc il va passer à 30 points quoi qu'il arrive. Ouais, c'est vrai que je vois. Alors vas-y, je lance quand même, trop tard. D'accord. 4 points, voilà, comme ça il revient à 15. Tout et va maintenant, bien. Firestorm va l'acheter. Attends. Événement. Événement 3. Le prochain personnage passe son tour. Non. Tu déconnes. C'est incroyable. J'aurais plus de cheveux à la fin, tu sais ça. C'est incroyable. Je peux faire une capture d'écran si tu veux. Il y a bien le 3 qui est là. Garde des captures d'écran et carrelez-toi dans le cul, d'accord? Non, pas on a dit pas les anus. Ouais, toi, tu peux parler, va. Bah oui, je peux parler, j'ai perdu mes deux personnages en un tour. Et bah tu nous as imposé le poney aussi. Power Girl, c'est à toi. Et alors là? Bah elle va attaquer Harley. Si là tu n'arrives pas à la tuer cette fois, il y a quand même un souci. Ouais. Ça s'était passé la dernière fois d'ailleurs. T'avais fait un, c'est ça hein? Oui. Ouais. Faudrait pas que tu fasses 0 quoi. Tu fais 0. Non, t'as fait 4. C'est bon. Ah. Allez, arrête le suspense et finis-moi, c'est bon. Finis-moi. Mais c'est tout ce qu'elle demande, Harley. C'est un petit peu vulgaire, mais d'accord, je vais te finir. Ouais, bah et on est plus à ça près. Alors attends, parce que du coup, il faut que je fasse augmenter Power Girl au niveau 3 et ça. Ça va changer beaucoup de choses pour Clément puisque Power Girl passe à 51 points. C'est bon. Et je vais te niquer ta race, le poney. Attends, parce qu'il y a un événement qui arrive. Hein. Le 1. Non. Événement 58, 9 Stade. Il ne se passe rien. Twilight, bah, c'est maintenant ou jamais. Je vais attaquer Firestorm. Tu vas attaquer Firestorm. Tu as donc une chance sur 16 de tuer Firestorm en un coup. Attaque-toi, moi. Moins 2. Événement 78, Baby Groot, tous les personnages récupéreront un point au début de leur prochain tour. C'est sympa. Donc, c'est Twilight qui vient de jouer. Firestorm, c'est âge toi, tu récupères un point et tu joues. Bon bah, le pauvre Firestorm. Bon bah, attaque Twilight Sparkle, tiens. 1. Génial. J'aime être niveau 1. Il y a une espèce d'aura sur Twilight, c'est incroyable. Événement 80. C'est les paillettes. Oh. I am Supergirl. Les super-héros, les personnages féminins gagnent un point, c'est-à-dire oui. Power Girl et Twilight Sparkle. Power Girl qui est d'ailleurs Supergirl de Terre 3. N'est-ce pas? Pour la petite culture comics, puisqu'on est là aussi pour parler de comics et non pas que de poney. Ah oui, Power Girl, c'est à toi de jouer. Tu gagnes le point qui t'était promis grâce à l'effet de Clément. Et tu peux donc jouer. Donc je vais défoncer cette putain de poney de mes deux. D'accord. Avec un dé de niveau 3, 2. Il y a un espèce de truc au-dessus de ce poney. Je sais pas ce qui se passe. C'est les paillettes, cherche pas. C'est les paillettes. Ça la protège. Dimitri Payet même. Oh événement 82, 2 points de moins. La blague estampillée Euro 2016. Donc Power Girl, puisqu'on est dans l'Euro 2016, Power Girl 51 points. Je ne pense pas que ce soit un hasard. J'ai pas compris. Comprendra qui peut. Twilight, c'est à toi. Private joke, c'est tout ce qui lui reste. Je vais attaquer Firestorm. Laisse mon Firestorm tranquille. On est deux en plus. Po. 14. Non. Non mais c'est pas possible. Non mais j'y crois pas. Moi je rends mon tablier là. Mais je démissionne, je cherche pas. Firestorm bah vient de perdre la vie. Oh putain. Clément, faudra m'expliquer ce que ouais. Faudra m'expliquer là parce que je non tu peux. Putain. Alors du coup bah, c'est mon docteur bordel. Ah. Mais il y a un événement qui va arriver. Le 1. Non. Ah si, il y a un événement. Il est au-dessus de 90. Ah non. 99. Il est en dessous de 100. 99. Il est au-dessus de 95. Il est au-dessus de 96. Il est au-dessus de 97. 98, 9, ça, il est une 60. Ah putain. Non mais t'abuses Mathieu. Il lui reste que ça en même temps. Enfin, il peut faire que ça en plus. Oui, on va faire durer un peu cette partie parce que du coup là elle va faire 10 minutes celle-ci. La dernière elle faisait 1 heure, celle-ci fait 10 minutes. Power Girl. 51-40. 51-40, Power Girl niveau 3, Twilight Sparkle niveau 4, donc potentiel de frapper 5 points de plus à chaque tour. Je vais la défoncer, j'espère. Alors, Power Girl va donc faire un Power Fist à Twilight Sparkle. Et c'est pas mal, c'est pas 15. Mal, moins 13. Ouh, le tiers de ses points. Événement 8, Love Side, il ne se passe rien. Twilight. Bah, je vais attaquer Power Girl. D'accord. Non, donc tu crois. 0 à 20 points potentiellement. Putain, mais quel mouleux, 19, mais c'est pas... Mais quoi ? Non mais c'est pas possible les mecs. Il y a une aura sur les animaux là. Est-ce que là va faire l'année ce truc? Enfin je sais pas. Événement 39. Alors qu'est-ce que ça tombe? On n'est pas fini. Futures End. Saut dans le temps. Les 3% personnages passent leur tour. Alors c'est Twilight qui a joué. Ouais. Power Girl passe. Twilight passe. Power Girl passe. Twilight rejoue. Oh non putain. Bah je vais attaquer Power Girl. Oh là là, mais putain, mais c'est... C'est innommable. 16. Mais putain ! C'est innommable. Putain, la moitié de ce qui lui restait, quoi. Il vient de perdre 35 points sur 2D, quoi. C'est incroyable. Événement 63. Le prochain personnage passe au tour. Mais putain, non ! Non, c'est un scandale. Cette partie, c'est un scandale. Elle a gagné encore, putain. C'est du vol. Cette partie, c'est du vol. C'est une honte. C'est une honte. C'est un scandale. C'est vraiment. Jérôme Carviel à côté, c'est une petite vitre. Putain. Donc, tu fais quoi? Bah, j'attends ouais, Power Girl. Bah, oui, hein. Mais non, mais soigne-toi et laisse-la tranquille. Alors, attention, tu as joué là? Oui. Oh, putain. Ah, bah, quand même. Événement numéro 16. King of Gotham, forcez le prochain personnage à attaquer qui vous voulez. Bah, il va s'attaquer lui-même. Tu peux t'attaquer toi? Non. Ben, tu t'attaques toi. Power Girl va s'attaquer, donc, sur les ordres du King of Gotham. Ouais. Si, attends, parce que Power Girl peut faire 15. Power Girl peut s'auto-tuer. Si Arnaud s'auto-tue à cause de Gotham... C'est trop beau. Je démissionne. Franchement, je démissionne. Et moi, j'abandonne si c'est le cas. Attention, suspense. Tu as lancé, là? Comment? Tu as lancé? Ah non. Non, non, mais c'est Arnaud qui doit lancer. Ah, c'est Arnaud. Ah, c'est moi? Ah, ok. Tu dois te faire du mal à toi-même. Donc Clément, faut que tu sortes de la case, par contre, du... Ah, d'accord. Clément, laisse-le tranquille, le pauvre. Vas-y, Arnaud. 1. Ah. Ouais, bah, il s'en est fallu de peu, hein, putain. Événement. 1. 89. Le prochain personnage passe son tour. Ah, merci. Twilight passe son tour, c'est à Power Girl de jouer, et ça peut changer quelque chose. Tu me soignes, hein. Alors, elle se soigne, la petite Power Girl. Elle va donc se regonfler les seins. 6. C'est déjà ça. Bah, sauf s'il fait 20 d'un coup, a priori tu vas survivre un tour de plus. Événement 59, 2 points de plus. Et bah tiens, regarde donc. Non, je survive. Twilight Sparkle, là du coup c'est relancé complètement. Bah je peux attaquer. Il a pas rien. Twilight Sparkle. T'attaques qui? Power Girl. Parce que tu peux dire Sparkle Twilight aussi. 13. Putain, mais moi j'en reviens pas d'avoir pas pu tuer les coups. Oui, là, c'est assez incroyable, ça, par contre. 9 points, donc, il reste 9 points à Power Girl. L'événement est le 3. Le prochain personnage passe son tour. Que vas-tu faire, Twilight? Bah, je vais attaquer. Tu vas attaquer qui? Power Girl. Vas-y. Arnaud, je te plains vraiment, j'ai de la peine pour toi. C'est pas possible. 0. Non, ça meurt. Oui. Et Clément, ça peut pas durer 10 000 ans aussi. Hein. Et l'événement? En fait, les deux sont un peu protégés des dieux quand même, hein, parce que ouais, ça fait longtemps que Power Girl répète. Il y en a un qui est protégé par Bacchus et l'autre par Zeus, quoi. Tu vois, événement 95, un point de moins. Non, ça pouvait pas être 99. T'imagines si Twilight Sparkle se tue un peu. Planté, là. Ah oui, attends, je vais annuler ce que je viens de faire. Voilà. Bravo. C'est parti pour Power Girl. Comment elle arrive à 9? Bah parce qu'elle vient de perdre, elle a perdu 13 points sur une attaque et elle a passé son tour. Bref. Voilà. Ne remonte pas. Je vais me soigner. Hein. Bah oui. Hein. Plutôt efficace sur le soin, plutôt efficace. 15. Ah, bâtard. Tu vas donc vivre au moins un tour de plus et avec l'événement 67 qui dit Sidekick choisit un allié qui te soigne à sa prochaine attaque. Et là, vas-y, nique sa mère. La partie vient peut-être de tourner. Twilight Sparkle. C'est surtout avec l'aura qu'il a en ce moment. 8. Et l'événement 85. Mon année de naissance, je crois que c'est un 9 Side. Non, Back to the Future, ton action est annulée, recommence ton tour. Donc tu soignes toujours Power Girl, mais pas de 8, de combien? Oh, sa mère. Ça y est? Ouais. 9. C'est pas mal, c'est plutôt sympa. Toujours ça de prix. Du coup, nouvel événement, hein, événement numéro 6, Michael Bay, tout le monde perd 2 points. Putain, tu fais chier. C'est n'importe quoi, ce round. Power Girl, à toi. Elle l'attaque. Hein. Elle attaque Twilight Sparkle avec un dé de puissance 3 et elle fait une attaque qui fracasse la corne de Power Girl, moins 15. Oh. Et là tout de suite, voilà. Hein. Événement 61. Michael Bay, tout le monde perd 1 point. Ça commence à sentir le de poney. Je vais me soigner. Bah, évidemment. 14. Oh putain, Arnaud, il a fait. J'en ai marre de ce jeu là. Arnaud, il a fait 26 pour les personnages DC gagnent 2 points. Power Girl est un personnage DC. Putain, mais Arnaud a tellement fait pour lui enlever 14 points, tout ça pour qu'il en regagne 15. La peine, c'est une horreur. C'est une horreur. La peine absolue. Power Girl. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais l'attaquer. Excuse-moi. 13. Tu comprendras pourquoi je m'excuse dans quelques instants. Non, je me sens mal l'événement là. Non, pas le 1. Non. C'est pas l'événement 1. C'est le 99. Le 100. Requiem, le dernier mort revient à la vie. C'est moi. C'était le dernier mort. C'était Firestorm. Oui. Non. Oui. Firestorm is back avec 15 points. Oh putain. Et toujours son niveau 1. Welcome back. To both of us. Et c'est donc à Twilight de jouer. It's good to de mourir. Je vais attaquer Firestorm. Non, laisse-moi tranquille. Parce que Firestorm va être revenu pour rien. Et donc refaire gagner un niveau. Oui, moins 16. Mais quoi? Mais non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je démissionne. C'est bon. C'est une cabane. I'm out. Mais c'est quoi ce jeu? Twilight Sparkle passe niveau 5. Et donc 50 points. C'est ça qui est le pire en fait. C'est parce qu'elle reprend 41 points quoi du coup. Oh putain. Événement 44. C'est pas fini, hein. Vous avez donné la preuve. Letter 44, le président Blades vous accorde un deuxième lancer pour la même action. Sachant que tu ne peux pas retuer Firestorm, ça équivaut à rien du tout. C'est alors, regarde, à toi. Je te hais. Une force. Une espèce d'ascenseur émotionnel pour Léo qui revient. Tu n'auras même pas l'occasion de lancer le dé. Non, mais c'est un scandale. Plus que j'ai vécu avec Jean Grey. En plus, il avait 9. Je vais me soigner. Allez, vas-y. Il avait 9. Ouais, il avait 9. Il avait 9! 11. Les poneys vaincront. Événement 77. Ça, c'est la faute de Mathieu. Iron Fist. Fist, un personnage, il arrache lui un point. Pas Clément, pas un Toilette Sparkle. Twilight. Bah, je vais attaquer. Tu continues à danser le D4, hein, parce qu'il n'y a pas de D de niveau 5. Je vais buter Power Girl. Bah, peut-être pas encore. Tu vas essayer de lui faire mal. Tu peux faire max 20, donc tu vas pas me tuer. Ouais, et tu peux faire minimum 0. Ah bah oui. 0. Événement 72. Un point de moins en plus, du coup. Non mais fais 99, Clément, juste qu'on rigole. Allez, c'est parti pour Power Girl. Et après tout ça, et on a quand même un duel qui est beaucoup plus long que ce qu'il aurait pu être. Ouais. Là, dans les deux sens, ça a été Power Girl au bord de la mort, Twilight Sparkle au bord de la mort, qui revient par un truc improbable. Twilight Sparkle. J'attaque. Ah oui, hein. J'attaque, dit-il. 15. 12 points pour Power Girl. Événement 9. Killgrave, tout le monde t'offre un de ses points. C'est gentil. 40 à 11. C'est parti pour Power Girl. Ouais, va se soigner la conne. Oh putain. 20. Oh! Événement 15, c'est interminable. Iron Fist, un personnage, RH puis un point. C'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Celui qui gagnera aura bien gagné charmant sa place. Ah oui, parce qu'il y a eu une lutte incroyable entre les deux quand même. À coup de retour de Firestorm. Twilight. J'attaque. Bah oui, hein. 7. Et bah putain. Événement 55, un point de moins. Sa mère. Allez, Power Girl, 25. Twilight Sparkle, 38. Allez, Power Girl. J'attaque. J'esquive. Ah, tu as esquivé les 6. 74 pour l'événement. Gel, personnage intouchable pendant les 3 prochains tours. Merci. Twilight, à toi. Ouais, je me soigne. Bah oui, hein, t'as que ça à faire. Sauf que t'es un peu foutu, Arnaud. 11. Événement. Événement 92. Science Beach, ta répartie coûte 2 points au personnage de ton choix. Mais je suis intouchable. Qui est intouchable. Power Girl, à toi. Donc c'est donc le deuxième tour de jeu. Elle attaque. Vas-y. 7. C'est interminable. Événement. Putain, je vais aller en bas de la liste en plus. 89. Le prochain personnage passe son tour. Power Girl, re à toi. C'est ton troisième tour d'invulnérabilité, le dernier. Je me soigne. 2. Et encore un événement dans le bas de la liste. 72. Un point de moins. Autant dire que tu t'es soigné de 1. Twilight, allez J'attaque. qu'on en finisse, bordel. Et c'est là qu'ils font tous des petites attaques de merde. Non, ça va, 13. Donc, plus que 13 points pour Power Girl. Événement 49. 9 save, il ne se passe rien. En fait, c'est psychologique comme jeu. Twilight Sparkle. Non, Power Girl. Non, je me soigne. 5. Cinq. Ouh là là là là. 18 Non, putain. points. Événement 76. Événement 76, un point de moins. Allez, on continue. Twilight. 17 à 42. J'attaque. Attention. Chut. 20, c'est fini. Oh putain! Attendez, il y a l'événement, il y a l'événement, faut aller le voir quand Le même. 1, le 1, le 1, le 1, le 1, le 1, Je vais le faire 1, durer le le 1, suspense le 1, sur le 1, l'événement, je le vais 1, juste le 1, le 1, le passer 1, le 1, Twilight le 1. Sparkle, quoi qu'il arrive, au niveau 7. Le 1, le 1, le 1. Putain. Au niveau 7, donc 70 points, quoi qu'il arrive. On va voir maintenant l'événement qui était Le l'événement 1. 33, gel, personnage intouchable par les Oh deux putain. prochains joueurs. Twilight Sparkle Incroyable. triomphe et se qualifie pour la finale après un Incroyable combat aventure. épique. C'était beau. Je suis lessivé, je n'en peux T'avais pas lui plus. donner les points au début, Mathieu. C'est Je n'en affreux. C'est peux toi qui lui plus. as indiqué de tuer je sais plus qui et du coup bah voilà. J'étais quand même à un point d'encore de perdre. J'en ai marre. J'ai toujours aucun personnage. Hein. Toujours aucun personnage effectivement pour toi pour le moment. Ce qui est inquiétant, c'est que Twilight Sparkle avec un niveau 7 sera le personnage le plus haut niveau de la finale. Non mais vous êtes sérieux? Niveau 7, 70 points. Gertrude, niveau 6, 90 points. Chip, niveau 4, 56 points. Deadpool, niveau 6, 96 points. Et le docteur, niveau 5, 55 points. Voilà pour le moment la composition de cette finale absolument improbable. Allez, Avec un round encore improbable. ouais, on se pensait que tout ça allait durer 10 minutes, j'en étais persuadé. Et à partir du moment où je suis mort, je me suis dit, ouais, c'est bon, deux personnages de mort en un tour, là, il ne reste plus que 5, ça va aller super vite. Et ben non, pas du tout. Allez, prochain tour. C'est le round 6 la prochaine fois. Clément aura deux personnages, Goliath et Pink Pearl. Oui, Pink Pink Pearl. Pearl. Je sais même pas qui c'est. Ah, c'est cette grosse dame de l'univers Marvel. Ah. Léo aura lui deux personnages aussi, Kilgrave Ah, et David. Hit Girl. Je défendrai pour ma part le Spider-Man 2099 et Arnaud aura à charge de représenter Black Widow. Tout ça, c'est pour la semaine prochaine, une semaine prochaine qui sera peut-être aussi folle que ce round numéro 5. À bientôt. Salut. Salut. Salut.